Section 20 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 20. L'interjection. Allons, maintenant c'est fini. Mademoiselle Lily vient d'apprendre que le dernier mot de la grammaire est précisément le premier de sa phrase « Oh oui, petite mère !» et que, de cette façon-là, ils y sont tous. Elle est toute fière d'avoir fait d'un coup une si belle phrase avec tant de choses dedans. Mais que lui a-t-on dit, grand Dieu, de l'interjection ou de l'exclamation, comme on l'appelle aussi? Mademoiselle Lily était bien petite quand on a bombardé Paris. Pourtant, elle se rappelle encore les « boum, boum » que cela faisait. Quelle figure inquiète avait sa mère quand le bruit venait de leur côté? Et comme elle a caché sa petite Lily dans ses bras une fois que le « boum » est parti juste dans la maison. Elle est très fâchée contre l'interjection en entendant dire que c'est la bombe des mots. Un mot qui vient de temps en temps tomber au milieu des phrases qu'il remplit de tapage. « Fi, le vilain !» Mademoiselle Lily déclare qu'elle ne veut plus faire tant d'exclamations, qu'elle ne criera plus tant de « oh » ni de « ah ». Mais bah, y pensera-t-elle? Promettre et tenir sont deux pour les petites filles, et pour bien d'autres, hélas. Fin de la section 20, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.